Donia, dis-moi que tu m'aimes. Le temps passe, mais tu restes à jamais avec moi. Jamais que reviens-moi. Maintenant, je me retrouve seul sans toi. Alors que je te choisis confiance, à contre-cœur, je me suis attaché. J'éprouve trop d'intimes pour elle. Impossible d'oublier tous ces moments. Je voyais tout ça, j'étais dans les scènes. Je me souviens de cette scène. J'ai aperçu dans ses yeux rien comme tout, qui nous a fait vivre tous les deux. Et des moments merveilleux. J'ai trop de haine, trop d'amour. Finalement j'ai dans les gènes. Je cesse de penser à elle, même en période de jeûne. Ce que je veux, ce que tu me dis, je t'aime sincèrement. Prends mon tiers alors qu'on croit au jour de jugement. Y'a que toi qui m'attire, y'a que toi qui me donne droit à la vie. Y'a que toi qui peux faire souffrir, y'a que toi dont j'ai envie. T'es une meuf fraîche, tu donnes envie de garder la pêche. Avec toi je connais pas la tristesse. Tu me suffis, pas besoin d'une maîtresse. Trop trop dégoûté de voir tes loin des princesses. Le temps passe mais tu restes à jamais avec en moi. Yeah.